بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم يسن اليوم الدين أما بعد. طيب دخلنا في الخاتمة في الدرس الماضي وقفنا القاعدة الأولى ما هي؟ أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات. نعم. وعليكم. طيب هذا كذا تكلمنا حول هذا فنواصل إن شاء الله. أنتم مباشرة في القاعدة الثانية. قال وعليكم ما أخبر الله تعالى به في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به سواء عرفنا معناه ألم نعرفه. Parce que Allah SWT nous a informé dans son livre ainsi que son messager صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire qu'il nous est venu de façon authentique, nous est obligatoire d'y croire. Et cela, peu importe que nous ayons saisi le sens ou non. فقال لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل من قبل. Que cela, c'est dans le rapport d'Allah où il dit dans le sens ô vous qui avez cru, croyez en Allah et en son messager, au livre qui a été descendu sur le messager et au livre qui est descendu auparavant. Surat les femmes 136. وقالوا تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Ô vous, les gens, vous êtes certes déjà venu un messager par vérité de votre Seigneur. Alors croyez, c'est-à-dire en lui, c'est le meilleur pour vous. Et si jamais vous mécroyez, sachez que à Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, et Allah est certes omniscient et sage. ولأن خبر الله تعالى صادر عن علم تام وهو أعلم بنفسه وبغيره كما قال الله تعالى قل أنتم أعلم أم الله. Et que ce que Allah SWT nous informe, ça vient d'une science parfaite, complète, et que Allah SWT est plus savant de lui-même qu'autrui. Comme il dit dans le sens, est-ce vous qui êtes plus savant ou bien Allah? Surat al-Baqarah, verset 140. وكذلك لأن خبر الله تعالى أصدق الأخبار كما قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. Et également que ce qui nous provient d'Allah comme information est ce qui est de plus véridique, comme Allah dans le sens où il dit, et qui donc est plus véridique que Allah en parole. Surat al-Nisa, verset 87. ولأن كلام الله تعالى أفصح الكلام وأبلغه وأبينه كما قال الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جنك بالحق وأحسن تفسيرا. Et que la parole d'Allah, ce qu'il y a de plus éloquent et de plus clair comme kalam. Et de plus limpide. Car Allah, dans le sens, il dit, et certes, il n'a pour autre aucune parole, sans que nous venions avec la vérité, ou avec une meilleure parole encore. Surat al-Furqan, le discernement, verset 33. Encore la ta'ala, Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabihan mathani. Que Allah a fait descendre la meilleure des paroles, avec des versets qui se ressemblent. Surat Zumar, verset 23. Mutashabihan ma'na yushbihu ba'dahu ba'dha fil kamal wal bayan. C'est-à-dire que des versets se ressemblent les uns les autres dans la perfection et dans la clarification. Wa qala ta'ala nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bi lisanin arabiyyin mubin. Et Allah, dans le sens où il dit que, c'est-à-dire en parlant du Coran qui était descendu par le Ruh al-Amin, c'est Jibril, alayhi salam. Dans ton cœur, pour que tu sois parmi les nombres des avertisseurs, avec une langue arabe claire. Verset Sourate al-Poète, verset 193 à 195. وَلِيَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُرِيدُ بِمَا أَنْزَلَ بِهِ لِعِبَادِهِ مِنَ الْوَحِي أَنْ يَحْتَدُ وَلَا يَدِلُّهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Et que Allah SWT veut, parce qu'il a fait descendre sur ses serviteurs comme révélation, qu'il soit guidé et non qu'il ne s'égare. Comme il dit dans le sens, Allah veut vous montrer afin que vous soyez guidé sur la voie de ceux d'avant vous. Surat Nisa, les femmes, verset 26. Waqala ta'ala, yubayyinu Allahu lakum an tadillu, wallahu bikulli shay'in alim. et que Allah vous éclaircit afin que vous ne vous égariez pas. Et Allah est omniscient. Le Nisa, verset 176. Donc là, tous ces versets pour démontrer que Allah, nous sommes obligés de croire ce qu'il nous dit. Comme on l'a dit au début du livre, Khabarullah, al-muqabil lil-ibad mahu, tasdik ou takzib. Lakin il wajib alim mahu, tasdik. Il faut y croire. C'est obligatoire pour nous d'y croire. On n'a pas le droit de croire, ne serait-ce qu'un harf du Coran. Mayajouz, c'est du kufr. قال واكد خبر النبي صلى الله عليه وسلم صادر عن علم فانه صلى الله عليه وسلم اعلم الناس بربه واسماءه وصفاته واحكامه. Il en est de même pour les khabar qui nous viendraient du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, car ce khabar ne vient que de la science également, et que le Nabi صلى الله عليه وسلم est le plus savant des hommes quant à son seigneur et à ses noms et à ses attributs et à ses règles. وخبره اصدق الاخبار للبشر وكلامه افصح كلام البشر وقصده افضل المقصود البشر فهو انصح الخلق للخلق. Car son information est la plus véridique et sa parole les plus éloquentes des paroles des êtres humains. Et également son objectif est le plus noble et le meilleur des objectifs parmi ceux des bachar, des êtres humains. Et il est le meilleur des conseillers de la création pour la création. فقد اجتمع في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم وكمال الصدق وكمال البيان وكمال القصد والإرادة فهذه هي مقومات قبول الخبر. Donc il sait, dans ce que Allah SWT nous a informé ainsi que son messager, se sont réunis la perfection de la science et de la véracité et de la clarification et le meilleur des objectifs et des buts et la meilleure des volontés. Et ça sont les choses qui normalement te poussent à accepter cette information. قال ولهذا لو صدر الخبر عن جاهل او كاذب او غي او سيء قصد لم يكن مقبولا لفقد مقومات القبول او احدها. Car c'est يعني si le khabar proviendrait d'un menteur ou d'un ignorant ou d'une personne qui a une mauvaise intention, voyez, aurait les alika, le khabar ne serait pas accepté. Ou alors qu'il y aurait ne serait-ce qu'une, un seul descriptif, quelqu'un, il a un défaut, voyez, son khabar ne l'accepte pas comme ça, surtout les choses qui touchent à l'invisible. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a réuni tout cela en lui. Et cela inclut que son messager sallallahu alayhi wa sallam également, dans la révélation, il est infaillible dans ce qu'il retransmet. Donc ça va de soi. C'est ça, ouais. C'est similaire. Fait que كانت مقومة قبول الخبر تامة على أكمل وجه في خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به وقبول سواء كان نفيا أم إثباتا. Donc là, tout cela nous pousse à accepter ce khabar venant d'Allah, de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et d'y avoir foi. Et qu'il s'agisse d'une chose qui a été reniée ou chose qui a été affirmée, on doit y croire. وَلَمْ يَبْقَ عُذْرٌ لِمُتَعَذِّرٍ فِي رَدِّهِ أَوْ تَحْرِيفِهِ أَوْ الشَّكْ فِي مَدْلُولِهِ وَلَا سِيَمَا فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ. Et qu'il ne reste aucune excuse pour celui qui prétexte quoi que ce soit pour le rejeter, ce khabar, ou pour l'altérer, ou pour douter de ce que ce khabar inclut comme sens, et tout particulièrement dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans ses attributs. Il n'y a pas d'excuse. Une fois que cela lui est parvenu, quand même, il ne peut le rejeter. وكذلك ما ثبت باتفاق السلف الأمة وإمتها وجب قبوله وعمت هذا الباب باب الأسماء والصفات منصوص عليه في الكتاب والسنة متفق عليه بين السلف الأمة. Et les choses sur lesquelles il y a eu ijma des salaf, de la communauté, de ses imams, on doit l'accepter. L'ijma, c'est un dalil à la base, comme tu le sais. On doit l'accepter. Et la principalité de ce khabar, maintenant, là, il tourne au coup du bab, des asma wa sifat. Ceux sur lesquels il y a un mansous, un texte dessus, clairement. Et que justement, les asma wa sifat, on ne peut les affirmer qu'avec un dalil. Qu'avec un dalil. Et cela, également, il y en a, ils ont dit qu'il y a le qiyas, qiyas al-awla. C'est-à-dire que si une chose est de vertu est considéré comme étant une qualité et un mérite chez l'homme, que Allah subhanahu wa ta'ala a encore plus en droit d'être décrit de la sorte. Donc il y en a, ils ont, Bardoum, Afbatou, ils sont mis à Qiyas al-Aoula, que Allah est plus en droit d'être décrit des bons attributs. Et il y en a, ils ne voient pas que ce Qiyas-là, il est valable. Il y en a, ils voient que ce n'est pas valable. Mais quand il y a un Jumhur, il y a un Qiyas al-Aoula. وما ما تنازع فيه المتاخرون فيما ليس في الكتاب والسنه ولا عند السلف الامه فليس على احد بل وليس لاحد ان يثبت لفظه اي ينفيه لعدم وروده السمع به et ce sur quoi ont divergé les gens d'après de ce qui ne fait pas partie du kitab de la sunna et ni de ce qui provient des salaf alors personne il ne revient à personne d'affirmer ces termes ou de les renier tant qu'on n'a pas eu de dalil qui nous l'affirme. C'est-à-dire l'affirmation ou la négation. وليس له ان يقبل معناه او يرده حتى يعلم المراد منه فان كان حقا وجب قبوله وان كان باطلا وجب رده. Et qui ne revient à personne d'accepter le sens ou de le rejeter tant qu'il n'a pas la science de ce que veut dire cette parole-là. Par exemple, il y a un mot, une chose qui ne connaît pas le sens. Il ne peut la rejeter tant qu'il n'a pas eu la science de ce que veut dire ce mot-là. Si jamais c'est une chose qui est véridique, il accepte obligatoirement. Et si jamais c'est une chose qui ne l'est pas, il doit la rejeter obligatoirement. L'izalika amsilatun minha. Là, il va parler par rapport au sens. Des fois, des termes qui viennent, on ne connaît pas forcément le sens. Ça, c'est relatif. On mithal awal al-jihad. Ce qu'on appelle la direction. Le fait de dire, est-ce que Allah est dans une direction ou pas. Right? فقال لفظ الجهة ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه وليس فيهما أنه في جهة أو له جهة ولا أنه ليس في جهة أو ليس له جهة وفي النصوص ما يغني عنه كالعلو والفوقية والاستواء على العرش وصعود الأشياء إليه ونزولها منه. Donc maintenant le terme جهة qui veut dire direction dans le Coran et dans la Sunna on n'a rien ni qui l'affirme mais كذلك ni qui le renie. Ni qu'il affirme, ni qu'il le renie. Il n'y a rien qui dit que Allah est dans une direction, rien qui dit qu'il n'est pas dans une direction. Vous voyez, mais par contre, dans les textes, on a ce qui fait qu'on s'en passe. On s'en passe de ce terme-là, jihad. Par exemple, on a el-ulu, l'élévation. Car Allah, il est haut. Il est le plus haut, d'ailleurs. D'accord? Comme l'istiwa également, à l'arche. Ou que les choses remontent vers lui. Les bonnes actions, les bonnes paroles. Il est yassur du kalimut toyibu, wa l'amalu salihu. Et également, que les choses descendent de lui. Jibril, d'où il vient? Jibril, il vient d'en haut. El-Nabi, l'Isra, il a fait comment? El-Mi'raj, c'était comment? Il est monté aux cieux. Wa kaza. Quand il taraba al-muta'akhiruna fi izbati wa nafihi, fa'iza akhbar ajraynahu ala ka'idati, kulna amma al-lawz, falanuthbituhu wa lanfihu li'adam wurudi thalika. Donc maintenant, beaucoup des muta'akhirun, quand on dit muta'akhirun, c'est les gens d'après les Taqaddimoun, qui étaient les premiers, ont eu de la confusion dans le fait d'affirmer ou de renier ce kalam, qui est le djihad. Et nous, si jamais on marche sur la règle qu'on a dit au début, on dit que ce terme-là, ni on ne l'affirme, ni on ne le renie. Amma al-ma'na fayunzar maza yuradu bil djihad. Quant au sens de djihad, on regarde qu'est-ce que tu as voulu par là, qu'est-ce que tu veux dire par djihad. أَيُّرِيدُ بِالْجِهَا شَيْءٌ مَخْلُوقٌ مُحِيطٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهَذَا مَعْنَى بَاطِلٌ لَا يَلِيقُ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِيطُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ فَقَدْ وَسَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ دَاخِلَ شَيْءٍ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ. Donc maintenant on dit quoi? Si par le fait de jiha, il veut dire quoi? Que Allah est dans sa création. Alors ce sens-là, il est faux, bila shak. Il est rejeté. Il ne convient pas à Allah. Car c'est Allah, c'est lui qui entoure toute chose de sa création. Et quand son coursi, c'est-à-dire le marchepied, a dépassé les cieux et la terre. Donc Allah n'est en rien à l'intérieur de sa création. Et ça s'appelle comment? El-Hulul. Aqidat el-Hululiyya. Que Allah, il est dans sa création. est à son opposé, qui est Wahdat al-Wujud. C'est-à-dire que tout est Allah, en fait. Tout ce que tu vois là, tout ça là, le corps, l'existence, tout ça c'est Allah. Et l'autre, c'est le Hulul. Comme nous, les Nasara, ils ont cela, que Allah est dans sa création. Et ça c'est le kufr, bila shak wa la rayb. أم يراد بالجهات ما فوق العالم فهذا حق ثابت لله عز وجل فإن الله تعالى فوق خلقه عال عليهم كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وفي صحيح مسلم الحديث avant le hadith on va dire quoi et si par contre il veut dire par la jiha la direction que Allah est au-dessus de l'univers des mondes alors ça c'est une chose qui est véridique affirmée car Allah est au-dessus de sa création au-dessus de sa création comme le prouve l'adila du kitab ou de la sunna, ainsi que l'ijma, ainsi que la raison, et ainsi que la nature première, la nature saine. Au fil sahih muslim, le hadith Mu'awiya ibn al-Hakam, al-Sulami, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, qu'a l'Jariya, kanat lahu, ayna Allah, qu'alait, fi sama, qu'alait, man ana, qu'alait, anta rasulullah, qu'alait, artikha, fa innaha mu'mina. Qu'il a dit quoi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à la servante de Mu'awiya, qui avait été giflée par Mu'awiya, il lui a dit à cette servante Jariya, elle lui a dit où est Allah? Elle a dit fi sama. Ici, mana fouk sama. Comme cela va venir. Au-dessus des cieux. Il lui a dit qui je suis? Elle a dit tu es le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Mouawiya, libère-la car c'est une croyante. Et ce hadith-là, les Asha'ira, ils vont tenter de l'affaiblir. Par exemple, tu vois les Ahbesh, si jamais tu viens avec ce Dalila, ils vont dire le hadith, les Muntaqad, ils l'ont rejeté. Avec plein d'ilal, c'est ba'atil, leur coul, il est ba'atil. Le hadith, il est thabit. Le hadith, il est thabit. Et même si ce hadith n'était pas thabit, comment a dit là que Allah s'appelle fil ulu. Je crois que Ibn Qayyim, il a ramené plus de 1000 adillah, tous bit en Allah, fil ulu, à la ulu illa. Que Allah, il est élevé. Deuxième exemple. El hayz, al mutahayyiz. Est-ce que Allah SWT est dans un espace, dans un lieu? Ou alors, est-ce qu'il est ailleurs? Je n'ai pas trop trouvé comment traduire mutahayyiz, akada. Kulna al-lov, al-tahayyuz, ou le hayz, laissa fil kitab, wa sunna ifbatuhu, wa lana fiyu ani lai ta'ala. Fa laissa fihima anna fi hayz, ou mutahayyiz, liannahu, wa la anna hu laissa kathalika. وفي النصوص ما يغني عنه مثل الكبير المتعال. Donc maintenant, le fait de dire que Allah est dans un lieu, un espace particulier ou pas, on dit ce terme hayz ou tahayyuz dans kitab wa sunna, il n'y a pas de dalil de ces termes-là qu'ils ont été employés. D'accord? Rien qui ne l'affirme, rien qui ne le renie kazalik. Mais cependant, dans le texte, nous avons ce qui nous en qu'on peut s'en passer. Comme le fait que de dire que Allah, il est le grand et le sublime. Muta'al. Qala wa qad ittaraba al-muta'akhirun fi isbat dhalika lillahi ta'ala wa nafihi anhu. Et que les gens, d'après les muta'akhirun, ils ont été dans la confusion par rapport à ça, le fait de l'affirmer ou non. Fa iza ajrayna wa al-qa'ida kunna amal lov fa la nuthbituhu wa la nafihi li'adam wurud al-sam' bihi wa amma al-ma'na fa yan فَيُنْذَرْ مَذَا يُرَادُ بِالْحَيْزِ أَوْ مُتَحَيِّزِ. Donc le terme حَيْز مُتَحَيِّز, ni on ne l'affirme, ni on ne le renie. Car on n'a pas de preuve là-dessus. Par contre, on regarde le sens. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Qu'as-tu voulu dire par حَيْز مُتَحَيِّز? Maintenant, on regarde le ma'ana. Est-ce qu'on veut dire que Allah SWT, que sa créature l'a atteint, arrive jusqu'à lui, ça, c'est un ma'na qui est bâtil, il est à chaque. Car Allah akbar, wa a'zam, wa ajjal, min an tuhita bihi al-makhluqat, wa tajuzuhu. Ce n'est pas possible, car Allah est plus grand, et plus immense, et plus sublime encore, pour que sa création, rien ne l'entoure. Et on expliquait auparavant que son marchepied, le coursi, lui est plus large que ce que la terre. Et également que la terre, complètement, il est saisi au Qiyama. Il a dit là, on les a déjà pris auparavant. Dans Kitab Tawhid. Par la main droite, les cieux et la terre, il va les plier dans sa main droite et les saisir. وفي الصحيحين وغيره من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكبد الله تبارك وتعالى الارض يوم القيامه ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول انا الملك اين ملوك الارض que le nabi صلى الله عليه وسلم il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامه il va saisir qabada saisir la terre quand même qui va plier les cieux avec sa main droite, et dira, c'est moi le roi. Où sont donc les rois de la terre ? Wa qala ibn Abbas, radiyallahu anhuma, ma as-samawati as-sab' wal-aradun as-sab' wa ma fihinna fi yadi ar-Rahman ilayka kharzalatin fi yadi ahadikum. Et que ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a dit ? Radiyallahu anhuma, qu'il a dit que les sept cieux, ainsi que les sept terres, dans la main du Rahman, ne sont pas plus dans la main du Rahman qu'un grain de moutarde dans votre main à vous. C'est-à-dire, là, on a pris dans Kitab Tawhid, dans le dernier bab, tu te rappelles ? Non. Les choses qui démontrent la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais que cela, pour nous, n'est pas concevable. Bien que les ma'ani, les sens, on les connaît. Mais le kayfiyah, on ne peut pas. Taïeb. Donc ça, c'est un sens. Donc c'est ce sens-là qu'ils ont voulu, que sa création l'atteint, cela n'est pas possible. D'accord ? Et d'autres adillahs s'opposent à cela. أم يراد بحيز ومتحيز أن الله منجاز عن المخلوقات أي مبين لها منفصل عنها ليس حالا فيها ولا هي حالة فيه فهذا حق ثابت لله عز وجل كما قال أئمة أهل السنة وفوق سماواته على عرشه بين خلقه من أصل فوق الله est en dehors de sa création séparé de sa création d'accord et que sa création ne l'atteint pas alors ça on dit c'est un معنى qui est ثابت. D'accord, c'est un ma'na qui est thabit, comme on dit les aïmas des gens de la sunna. Que Allah est au-dessus du samawat. Et qu'il est où ? Au-dessus du arsh. Séparé de sa création. Donc c'est pour ça qu'on dit que le fait de dire meken ou la meken, hayz ou tahayyiz, c'est des ma'na, tu veux dire quoi par là ? Adha, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Après tu vas t'en suivre. Comme la masala du corps. Tu veux dire qu'Allah il a un corps. C'est minahad al-ban. C'est minahad al-ban. Qale. تنبيه جاء في القاعدة أنه يجب علينا الإيمان بما أخبر به الله ورسوله سواء عرفنا معنى أم لا. Il a dit quoi la tanbih? Dans la qaïda, on a dit au début qu'il nous est obligatoire de croire ce dont Allah nous a informé, c'est que son messager, même si on ne connaît pas le sens, qu'on le connaisse ou pas. Voyez? Donc là, après, il précise qu'il n'y a pas de chose, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit ou son messager, que dont toute la umma ne connaît pas le sens. Ça n'existe pas, ça. Vous voyez ? Ça n'existe pas. Cela, il est, par contre, il est impératif et obligatoire que si certains ne connaissent pas le sens, d'autres vont le connaître. C'est relatif. Mais tu ne trouveras pas un mot dans le Coran, dans la Sunna, quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, ou son messager a dit, dont personne ne connaît le sens. قال عز وجل وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. Que nous avons fait descendre sur toi le rappel pour que tu éclaires aux gens ce qui leur a été descendu afin qu'ils réfléchissent. Surat les abeilles 44, c'est-à-dire que Allah l'a fait descendre c'est pour que tu médites dessus. Donc comment méditer sur une chose si tu ne la comprends pas? Ce n'est pas possible. وقالوا تعالى ونزل عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. Qu'il a fait descendre sur toi le livre pour éclaircir toute chose et une guidée, une miséricorde, une bonne nouvelle pour les musulmans. Dans la même sourate, verset 89. C'est-à-dire ولانه لو كان فيه ما لا يعلم معناه احد لكان بعض الشريعه مجهولا للامه. Donc si jamais il y a des choses dont le sens était ignoré par tous, ça veut dire que les choses de la charia seraient ignorées par la Ummah. Et ça, c'est pas possible. C'était pas possible. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, balla. Et avant de mourir dans le Hajjat al-Wada, quand elle est, elle a ballart, quand elle a ballart. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahumma ishhad, Allahumma ishhad. Voilà, qu'il a dit à ses ashab, ne vous ai-je pas retransmis? Ils ont dit, tu as retransmis. Il a tout dit ce qu'il avait à dire. Et on l'a dit au début du livre. Il a tout informé. Ne serait-ce qu'un oiseau qui vole, faut qu'on ait pris un ilm à prendre dessus. Il a appris comment aller au hamma, aller aux toilettes, faire les besoins, tout, il nous a tout appris ce qu'il avait besoin de savoir. Et tout cela à travers ses paroles à lui, et surtout le Coran. ولكن المعرفة والخفاء أمرا نسبيا قد يكون معروفا لشخص ما كان خفيا على غيره وإما لنقص في علمه أو قصور في فهمه أو تكسير في طلبه أو سوء في قصده أو سوء في قصده. Par contre, il se peut que des choses échappent à certains, ça c'est relatif. Il se peut que certains aient connu et saisi, d'autres non. Et cela pourquoi? Par un manque de science qu'il aurait, ou par une compréhension qui serait, elle, réduite, ou alors qu'il n'a pas été vraiment engagé dans la recherche de cette chose-là, ou alors qu'il avait une mauvaise intention, il n'a pas saisi le sens réel. Mais tu vas toujours trouver quelqu'un qui reconnaît le sens, obligatoirement. Yaza, après, il va réfuter à un madhab qui est celui des Mufawwidha, le Tafwid, le fait de dire que le sens, on ne le connaît pas. Le sens, c'est que Allah qui le connaît. On dit là, al-ma'na, comme a dit l'imam Malik, al-ma'na, ma'loum. Le sens, on le connaît. Et ça va venir, inshallah, fi ma ba'd. Donc là, c'était la règle d'aujourd'hui, qui était que on doit croire en tout ce que Allah nous a informé, ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et que l'on n'affirme ni ne renie des choses, si ce n'est qu'un dalil. Et après, on regarde, quand certaines personnes disent des choses, quel sens ont voulu par là? Qu'as-tu voulu dire par tel et tel mot? Maman, akada. Fayla huna, walhamdulillah rabbil alamin.